En plus, c'est une heure sans pub, donc on profite là ce matin avec vos hits préférés, plus le meilleur de Mickaël. 23h, 3h chaque nuit sur Énergie, là c'est le best-of. On se fait les appels bienveillants maintenant avec une nouvelle étude allemande, Amina. Je sais que tu es friande de ce genre d'études. Ah, qui dit, j'adore l'Allemagne. Bah voilà, qui dit qu'il faut se moucher avant de faire l'amour. Selon eux, le fait d'avoir les sinus bien dégagés permettrait de profiter pleinement des phéromones qui stimulent le désir. Moralité, avec le nez bien dégagé, vous sentez plus facilement la bite et la chatte. Globalement, ouais. C'est un petit peu ça. Mais est-ce que tu te mouches, toi, d'ailleurs ? Ça, c'est vrai, par contre. Oui, il y a une odeur, ouais. Mais c'est pas un truc. C'est un truc bizarre. Je sais pas si vous avez déjà senti cette odeur. Les phéromones. Bien sûr. C'est bizarre. Bien sûr. Alors, Amina, tu te mouches, toi, ou pas, avant de pécho ? Mais moi, je me mouche pas. Hein. J'ai pas de problème de. J'ai le nez bien débouché. Moi, je fais des inhalations quasiment tous les 3 jours d'huile essentielle d'eucalyptus. Et du coup, j'ai pas de problème. C'est en forme comment elle est, c'est quoi ? C'est une espèce de petit cylindre ? De quoi ? Le truc d'eucalyptus. Ben non, c'est des gouttes que je mets dans une casserole. Tu les frites et tout, et tu dans une casserole, c'est ça. Non, ouais. C'est vrai. En pipe, ouais. Tu le fais pas en pipe, ça se fume, ça. N'importe non quoi, t'es une chose totalement illégale. Moi, tu je parle des pipes. D'homéopathie. De l'homo. De l'homopathie. De l'homopépathie. C'est de l'extrait d'homosexuel. Je les presse à la maison et après j'en extrais le jus. L'homothépatie, quoi. De l'homothépatie, c'est pas mal, ça, l'homothépatie. Mais qu'est-ce qui vous se passe? Mais qu'est-ce qui vous se passe, ma? Un médicament créole de l'homothépatie. Ouais, c'est ça. Ah, enfin, bon, du coup, Top, tu vas. Pour mieux venir, l'homothépatie. Tu vas appeler pour annoncer la bonne nouvelle? Bah, évidemment. Allez, on y va, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti. Premier appel maintenant. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Qui? C'est Toph. Hein? Non, je dis c'est Toph. Dame. C'est qui, Toff? Bah, c'est moi, puisqu'on m'a demandé qui c'est, je vous dis c'est Toff, donc Toff c'est moi, c'est logique. Putain, c'est qui ça là? Bah, c'est Toff, je viens de vous le dire. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que vous vous mouchez avant de faire l'amour? C'est qui toi? Toff, je viens de vous le dire, monsieur, je peux. Est-ce que vous comprenez t'as pas? T'as un mec de la radio? Non, t'as pas mec de la radio? Non, pas du tout, je vous appelle de ma chambre. Est-ce que t'as un mec de la radio? Mais pas du tout, puisque je vous dis que j'appelle de ma chambre. Moi, je suis au chômage, monsieur. Sur la radio, tu m'appelles là? Mais pas du tout, je viens de vous dire que j'étais au chômage. Ouais, c'est la radio là. Mais pas du tout. Je vous le fais. Bon, allez, on va se souhaiter une bonne soirée, on se fait des poutous. Vas-y, poutou. Allez, au revoir. Ben voilà, il était content, hein. Écoute. Il est refait. Refait. Allez, hop, on appelle un autre. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que vous vous mouchez avant de faire l'amour, monsieur? Du quoi? Bah, est-ce que avant d'avoir un rapport sexuel, vous vous mouchez, monsieur? Hein? Est-ce qu'avant d'avoir un rapport sexuel, vous vous mouchez, monsieur? Ta grand-mère, elle est pas morte, toi? Bah non, pas encore, pourquoi? Elle vous fait faire mort. Pardon? Elle meurt. Bah pourquoi vous dites ça, monsieur? Enfin, c'est pas gentil. Ah si, c'est gentil. Et tu me casses les couilles. Ah bah, enfin, monsieur, dites pas ça, Bah niquez ta mère, fils de pute, tu m'appelles pas. Oh non, monsieur, non, dites pas des choses comme ça, c'est très vilain. Niquez ta grand-mère, la pute, tu m'appelles pas. Oh non, monsieur, enfin ma... Appelle-moi encore une fois, fils de pute, appelle. T'as des couilles, appelle-moi en normal. Enfin, plus. Bah, je vous appelle en normal, monsieur, je comprends pas. Non, pas masqué, toi, t'es une pute. Ah, mais ça, c'est parce que maman l'a chipoté dans la box, depuis le numéro, il s'affiche plus, mais je vous donne le numéro si vous voulez, hein. Bah, niquez ta mère, toi et ta mère. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça, monsieur? Enfin, c'est pas gentil de dire ça. Pardon, excusez-moi, je suis pas compris. En plus, toi, fils de pute, depuis doué, tu peux dire ma place, fils de pute. Excusez-moi, monsieur, je n'ai rien compris. Ta mère, t'as compris là? Bah oui, j'ai compris, mais je vois pas le rapport avec la question. Bah moi, je te le dis, c'est ma question, nique ta mère. Non, mais c'est pas une question, ça, monsieur, c'est une affirmation. Bah c'est pas. Bah non, c'est pas pareil, monsieur. Moi, je te pose une question, pourquoi tu m'appelles? Bah moi, je vous appelais pour partager une bonne nouvelle, monsieur. Nique ta mère, toi, ta nouvelle, fils de pute. Oh non, monsieur, non, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est très vulgaire, ça ne sert à rien. Même si vous êtes tout sur le courant, je voudrais bien savoir c'est qui je... Toff, monsieur, moi je m'appelle Toff. Elle va niquer ta mère, Toff. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça, monsieur? Enfin, c'est pas gentil. Puis ça se fait pas. Bon. Oh non, monsieur, non, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est vraiment très violent. Ah, ça. De toute façon, moi j'ai jamais travaillé de ma vie, je suis au chômage, monsieur, donc... Ah, t'es au chômage, Monnier? Bah oui, je suis au chômage, monsieur. Ah, c'est cool. Bah oui, c'est bien. Bah oui, moi je suis bien au chômage. Hein. J'ai déménagé et maintenant je vais aller chier. Eh bah écoutez, je vous souhaite une bonne chasse. Ouais, mais ça c'est super gentil. Ah bah je vous en prie, monsieur, ça m'a fait plaisir. Bon, allez, je vous embrasse fort, je vous fais des poutous, puis j'hésite pas à vous rappeler parce que vous êtes vraiment sympathique. Hein. Ouais, poutou, hein. Bah moi aussi je vous embrasse, poutou partout, monsieur. Eh bah il est parti, voilà, très bien. Bah poutou alors, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi?

Allez, vous êtes sur Énergie. Bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que ça va ce matin. Une belle journée qui démarre. On est vendredi, oui, avant les vacances, avant les fêtes et tout, c'est cool. On se fait pour la suite Kenyo Silva, Claudio Capeo et Ava Max dans la playlist Énergie, le tout sans pub et avec le meilleur de Mickaël. C'est à 23h tous les soirs, Mickaël sur Énergie. Voici ce qui s'est passé cette semaine dans l'émission. Bon, Mams qui est avec nous maintenant à Champigny dans le 94. Salut Mams. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est brûlé la bite. Tu t'es brûlé la bite, ce sont les choses qui arrivent. La question, c'est comment? Oui, la question, c'est comment tu t'es fait? Comment t'as fait? Jamais vous trouverez une émission. J'en peux plus, c'est trop pour moi. Bon, non, mais raconte gros, qu'est-ce qui se passe? Comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était des pattes. Après, je voulais mettre dans la passoire. Et c'est tombé sur moi et je suis brûlé la bite. Mais attends, tu fais des pattes à la bite à l'air, toi? Non, mais... Comment ça, non? Bah si. Ça transperce. Attends, il y a quand même un spécialiste de Satov, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi cette histoire de pâte? Ah, ou alors t'as voulu te branler dans les pâtes qui étaient trop chaudes. Ah oh. Bah oui, mais faut les laisser refroidir. Bah ouais, mais bah, attends, mais c'est quoi l'histoire, Mams? Qui se branle dans les pâtes? Bah... Des gens, on t'expliquera, Amina. Ah, mais c'est l'American Pie, non? Non, c'est une tarte. C'est une tarte d'American Pie. Ah oui, d'où la paille? American Pie, yes, of course. C'est notre American Pasta. Non, bah on t'écoute, Mams. Ouais, c'est l'eau bouillante qui m'est tombée dessus. C'est l'eau bouillante qui t'est tombée dessus. Mais non, mais ça m'explique pas ce que tu foutais la bite à l'air en train de te faire des pâtes. Non, j'ai après, assez de problèmes comme ça, je vais pas rentrer dans cette compétition. Non, après, si t'as versé l'eau bouillante sur ton pantalon, oui, je comprends que ça t'ait brûlé la bite. Mais ce que je comprends pas, c'est comment t'as réussi à déverser la totalité de l'eau bouillante sur tes couilles. Bah, peut-être que la casserole, elle était pas. Enfin, elle tenait pas la route, genre. Ouais, c'est ça, en fait. Le manche, il a pété, c'est ça? Ouais. Ah, le manche a pété, du coup toute l'eau bouillante est tombée sur ta tub. Ah ouais. Mais c'est une vraie question, où sont les pâtes? Ah mais ils ont bouffé. Du sauce. Bah, attends, Mams, penses-tu? Non. Ils sont où? Je les étais. Non mais, et Mams, ouais. C'est arrivé quand ça? C'est arrivé il y a deux jours. Il y a deux jours? Non bah c'est fini alors maintenant. Et t'es parti voir le médecin? Ouais, t'as des cloques sur la bite, sur le gland? Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, mais fais-toi soigner, Mams. Ah bah là, il faut aller voir un médecin, Mams, faut... là, nous. Les grands brûlés, genre. Ouais, il faut. Parce que c'est... tu vas garder des séquelles à vie, hein, si tu fais pas soigner c'est ça. C'est fragile, ouais. Cette peau-là est très même sensible. Même n'importe où, si tu te fais brûler, faut aller aux urgences directes. Bien sûr, parce que là, mec, tu vas. Enfin, ça va être bizarre, ta bite, hein. Bah il faut que t'ailles voir un médecin. Alors je sais que c'est difficile, etc. Mais c'est un médecin, il va pas te juger. Enfin tu vois, je veux dire après voilà. Mams, t'es en train de dormir là, quand tu nous appelles. Est-ce que t'es pas un peu somnambule? T'es avec nous ou pas? Non. Non, t'es là. Je suis là. D'accord. Bon, donc c'est nous voilà rassurer. C'est voilà. Bref, donc Mams, il faut que t'ailles voir un médecin, gros. Ouais. Ah bah oui. Mais c'est chaud quand même. Ah oui, c'est chaud, oui, j'imagine. Oui. C'est avec nous. C'est chaud de quoi? Après, tu vois, je sais pas, il y en a qui vont dire des trucs bizarres aussi. Comment ça, il y en a qui vont dire des trucs bizarres, mais tu vas chez un médecin, tu sais, le médecin, il ne va rien te dire. Et tu sais, nous, on a un auditeur qui s'appelle Mehdi de Paris, qui passe son temps là-bas, et il s'en fout, lui. Et puis personne n'a jamais rien dit sur lui. Ah bah oui, non, bah ça, je te confirme. Mais après, t'as des mecs qui sont comme ça, genre, d'où il me demande de lui montrer ma bite, lui, c'est un ouf. Non, mais d'accord, mais enfin, c'est un médecin, enfin, je veux dire. Il vient pour ça, hein, ouais, voilà. Ça, mais bon. Encore, t'as un mec comme ça qui vient te demander, tiens, à qui tu montes ta teub, bon, je comprends. Mais là, le mec, je veux dire, le mec, il est là pour ça, il est là pour t'aider à la base, hein. Il est pas là pour se foutre de ta gueule, il est pas là pour ça. Donc franchement, vas-y, mec. Allô, Mams? Tu t'es pas brûlé la bite encore une fois, j'espère? Non. Ah bon, me voilà rassuré. Donc non, mais vas-y, là, faut y aller, hein. Ouais, je vais aller. Ah bah, rappelle-nous pour nous dire. D'accord? Ouais. D'accord? Ouais. Bon, je compte sur toi. Fais attention, Top Chef, la prochaine fois. Ouais, ah putain. Non, mais attends, rigole pas, là, mais. Ouais, mais un tablier, quoi. Voilà, fais attention, quoi. D'accord? Ouais. Bon allez. Merci les gars. Avec plaisir. Salut à toi, Mams. Garde cette pêche. Ah bah ouais, attends, le mec il a la bite cramée. Tu veux qui wouhou, génial, ça fait deux jours, ça va. Ouais bah ça fait deux jours, mais quand même. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short road. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Tomorrow. Fine day.

lion's head, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, plus de 5h sur Énergie, c'est Cédric et ouais, on est là jusqu'à 6h comme tous les matins, avant le retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Il va doubler votre salaire à 7h05 et 8h05, inscrivez-vous énergie.fr. Ouais, à quelques jours du réveillon de Noël, là, ça pourrait être très très cool, c'est vrai. On se fait d'ici là, Jérémy Frérot, David Guetta avec Bibi Rexha et voici ce qui s'est passé hier matin chez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Joyeux Noël avec Énergie. On a Virginie au téléphone, bonjour Virginie. Bonjour les wawas. Bienvenue sur Énergie. Il y a Lucia qui est là aussi. Bonjour Lucia. Oui, salut Manu. On dit Lucia ou Lucia? Lucia. Lucia. Ah ouais, désolé Virginie, on dit Virginie, on dit Virginie. Hein, c'est... Ouais, c'est clair. Bon. Désolé. Restez avec nous. J'ai une question à poser à tout le monde. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que Glandu m'a dit un truc. Et je me dis, oh, ça peut faire un bon sujet. Ouais. Ok. Glandu met beaucoup de temps pour faire quelque chose. Ma question est très simple. Pourquoi vous mettez beaucoup de temps? Pourquoi? Pour quelle chose vous mettez plus de temps que les autres? Ok. Ouais. Ça peut être un truc simple, un truc compliqué. Peu importe. Écoutez bien, vous allez voir. Hein, vous allez vous dire que ça peut être vraiment très très simple. Puisque Glandu met beaucoup plus de temps que les autres pour faire un truc très basique. Ouais, ce matin, je me suis saoulé moi-même parce qu'en fait, je passe vraiment beaucoup de temps pour beurrer mes tartines. Ça veut dire que je veux vraiment que le beurre soit parfaitement réparti sur la tartine et qu'il n'y ait plus aucune partie vide, tu vois. Si je vois un petit bout de pain dessous, il faut que je repasse le coup de voilà, pain. Voilà, ouais. Il a un toc de tartineur. Ah ouais, vraiment, je passe du temps, quoi. Voilà, et donc quand tout le monde a fini de son petit déjeuner, Glandu, il est rien gagné. Ouais, c'est ça. Je me fais engueuler parce qu'ils disent, ouais, passe-moi le beurre et tout, je passe trop de temps de beurre. C'est-à-dire qu'à Noël, c'est pas toi qui va beurrer les toasts, quoi. Ah non, ça, c'est je te comprends. Attends, quoi. Alors, si, mais il a commencé à Noël dernier. C'est ça, ok. Pour quelle chose êtes-vous clairement plus lent que les autres, Isabelle? Moi, c'est pour faire des stories sur Insta, pour tu vois, tweeter, retweeter, aller sur ce truc bizarre, la Snapchat que j'ai toujours pas compris. Voilà, je mets énormément de temps et en fait, je demande à ce qu'on m'aide. On m'aide, genre Nico, il m'aide souvent pour ça, mais le lendemain, j'ai déjà oublié ce qu'il m'a dit. Disons que à l'époque du 2.0, t'es moins 4. C'est vrai. J'essaye de progresser et là du coup j'ai décidé de télécharger Snapchat. Je m'y mets là aujourd'hui. Mais pourquoi il faut Ce qui est génial c'est que tu viens de nous dire que tu mets beaucoup de temps à utiliser Snapchat. Ouais. Et là tu nous dis maintenant je vais le télécharger. Mais je t'explique. C'est comme si je lui disais je mets beaucoup de temps pour jouer au foot. Bon, demain je vais sur le terrain. Ouais, c'est parce que je l'avais, je l'ai plus. D'accord. Virginie, pourquoi tu es peut-être un peu plus lente que les autres? Alors moi, clairement, c'est pour faire les courses alimentaires. Je fais jamais de liste et puis je me perds dans les rayons. Tu te perds, c'est-à-dire que parfois tu as déjà passé un week-end entier dans le supermarché. Comment ça se... Pourquoi tu te perds? Bah, je sais pas, j'ai pas le sens de l'orientation et dans un hyper, c'est pire. Ah, tu veux dire que tu serais la seule femme au monde à avoir besoin d'un GPS dans un supermarché. Oh, c'est-à-dire que tu programmes le beurre et il te dit où est le... Putain, cela dit, alors, Virginie, ma bête. Est-ce que ce serait pas une bonne idée d'avoir un GPS quand tu rentres dans ton supermarché, tu tapes beurre et il te dit où y aller avec, les petits, avec un petit tracé quoi. Bah, on sait qu'il y a les panneaux normalement à l'entrée de chaque rayon. Donc il y a écrit un produit laitier. Ah oui, mais ouais, les panneaux, il faut regarder en l'air. Ah, c'est oui. compliqué, bah, Virginie elle est fatiguée. Ah oui, d'accord, c'est malin. Okay. Merci de nous avoir appelé Virginie, belle journée à toi. Pourquoi êtes-vous plus lent que les autres, Paulette? Comprendre les blagues. Je mets toujours plus de temps que les autres. Je ris toujours avec un petit temps derrière tout le monde. Mais tu sais que souvent, pendant l'émission, j'ai remarqué, on dit des trucs, hop, on envoie un disque et pendant le disque, on entend. Mais je ris pas comme ça. Non, c'est pas vrai. Lucia, est-ce que tu mets plus de temps pour faire quelque chose que les autres en général? Ah ouais, bah alors moi, Manu, je mets au moins 10 minutes par jour à lasser mes chaussures parce que je veux que mes nœuds soient parfaits. Bah du coup, je recommence tout le temps. C'est quoi, tu devrais être très très sympa en couple avec Glandu. Pendant qu'il fait ses tartines, tu fais tes lacets. Voilà, ça marche. Voilà. Et faites un enfant, hein, pendant ce temps-là, il attendra pour manger. Merci de nous avoir appelé, Lucia. Bonne journée, on vous embrasse toutes les deux. Gros bisous. Tout à l'heure, 6h-9h30, Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes, caresse mon cœur avec tes mots doux, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Tu connais ta chance. Toi, t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas, quand tu me le dis, ça marche sur moi, je me dis que j'ai pas le choix, qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Oh, oh, il peut tout arriver. Oh, oh, oh. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Oh,

cama. Me encanta la forma que me olas. Ojalá invita a tu amiga a la buena, pa' que fumemos como fumamos en la buena. Siempre andamos positivo, esa es la forma en que vivo activo. Que se jode que no esté lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo. Di que si que no te cuesta, si conmigo estás vestida de chance. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde. On est vendredi, on est le 21 décembre, début des vacances, hein, ouais, ce soir, vacances de Noël. Y a Lady Gaga qui aime bien passer ses vacances d'hiver en France. Voilà, je sais pas si elle va venir pour Noël dans les Alpes ou dans les Pyrénées, mais ça pourrait être très très cool. Lady Gaga, on va l'écouter dans la playlist Énergie avec Bradley Cooper, Aya Nakamura juste derrière. Et bon, de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Énergie vous souhaite un joyeux Noël avec Manu dans le 6-9. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la solidarité. Ouais. Et alors, on dit souvent la solidarité féminine. Mais on ne parle pas assez de la solidarité masculine. Et nous, nous sommes là pour ça. Régulièrement dans l'émission, nous ouvrons le centre d'accueil des hommes. Parce que tous les jours, à chaque instant, des hommes sont grondés. Oh. Partout dans le monde, ouais. Des ouais. hommes, pour des raisons totalement superficielles, c'est vrai, ça. Se font gronder. Oh, ouais. Pauvre chouchou. Je sais de quoi je parle. C'est vrai. Ouais. Mais je m'en suis sorti. Oh. Oh, mais c'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir la fondation Centre d'accueil des hommes. C'est bon. Vous vous êtes fait gronder par votre femme, par votre copine, c'est le moment. 0-870-42-48. Nico, je vois dans tes petits yeux de merlan, ouais, que tu as du mal. Parce que moi, je m'en suis pas sorti, moi. Et que tu souffres. Je suis encore dedans, moi. Tu es toujours dedans. Ouais, dis-nous pourquoi tu t'es fait gronder. Nous allons être là avec toi. Ah, moi, j'ai ma femme qui m'a grondé parce que je lui ai proposé de l'ananas et non de l'ananas. C'est-à-dire, bah, je lui ai dit, est-ce que tu veux de l'ananas en dessert? J'avais acheté un ananas et elle m'a dit non, excuse-moi, hein, mais on dit pas ça en fait, on dit ananas. Et là, c'est parti en débat. Sauf que moi, je suis allé sur Wikipédia, j'ai regardé justement, et on dit les deux, quoi. On dit les deux, mais elle était persuadée que non, depuis tout petit, je dis ananas, les gens disent ananas, donc il faut dire ananas. Est-ce que quand vous en venez à vous engueuler pour un S à la fin du mot ananas, est-ce qu'on peut se dire que votre couple est fini? Non, je sais pas si on va passer les fêtes, j'avoue. Là, c'est chaud, là. Émilien, bonjour. Allô. Oui, Émilien, nous t'écoutons. Oui, le centre d'accueil des hommes est ouvert. Émilien, tu t'es fait gronder toi-même par ta femme ou ta copine? Nous t'écoutons. Je me suis fait gronder, du coup, parce que j'ai lavé son pull préféré à 40 degrés, du coup, bah, il a rétréci. C'est pas très chaud, 40 degrés. Ouais. Bah ouais, mais ça suffit quand même, hein. C'était du cachemire, du coup, maintenant, c'est du 12 ans. Hein. C'était du cachemire. Oh là là. Quoi, c'était... Bah, excuse-moi, c'était du cachemire, c'est toujours du cachemire. Ouais. Mais oui, toujours. Du cachemire avec une taille plus petite. Vous avez un enfant? Non, mais du coup, on va le mettre de côté pour plus tard, ouais. Et voilà, tu sais quoi, ce qu'elle n'a pas compris? C'est le message que tu lui envoyais, Émilien, dis-moi si je me trompe. Exactement. En rétrécissant ce pull, le message que t'envoyais à ta femme, c'était pas « Et si on avait un petit ?» Mais oui. C'était trop subliminal, voilà. Et voilà. C'est beau. C'est pour ça que le centre d'accueil des hommes existe. Parce que vous, les femmes, vous ne comprenez pas ce qu'on vous envoie comme message. Je crois que votre mauvaise foi est très subliminale aussi, là. Mais c'est pas grave. Je ne t'écoute pas, Isabelle. Émilien, merci de nous avoir appelés. Nous allons prendre Maxime. Le standard du centre d'accueil des hommes est rouge. Maxime, salut, bonjour. Salut. T'es fait gronder, toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Maxime? Je me suis fait gronder hier soir par ma femme parce que je suis resté trop longtemps à la troisième mi-temps de mon match et on avait un rendez-vous, Alors attends, tu fais un match, tu fais quoi? Tu fais du football, du rugby? Du foot. Du football, et après le match, vous êtes allé boire un verre dans un bar? Tout ça, et puis on était attendu chez tes parents. Et tu avais un dîner chez les parents de ta femme, oui. Mais il faut qu'elle comprenne que c'est sacré la troisième mi-temps, quoi. Après un match de foot, il faut décompresser, c'est un sas indispensable. Voilà, quoi. Il faut rester avec les potes, il faut décompresser. Bien sûr. Attends, je vais te dire un truc, chose à laquelle elle ne pense pas, musique. Ta femme, Maxime, n'a pas compris que c'est mieux que tu sois avec tes amis, bien, tranquille, plutôt que tu arrives chez sa mère en tenue de foot et en crampons. Alors, vous voyez. Merci de nous avoir appelé, Maxime. Sylvain, bonjour. Salut Romain, salut Manu. Sylvain, bienvenue parmi nous, tu t'es fait gronder toi aussi. Eh ouais, je me suis fait gronder parce que je jouais à la PlayStation 4 et j'ai oublié d'aller chercher ma femme au boulot. Voilà. Et elle t'a grondé pour ça? En fait, c'est elle qui m'a appelé, j'étais en train de jouer et elle attendait déjà depuis une demi-heure. Mais elle attendait, excuse-moi, mais elle ne pouvait pas rentrer toute seule? Bah oui. Non, il y avait la voiture au garage. Ta voiture était au garage. Et alors, les bus, les transports en commun, les tramways, les TER, ça a été construit par qui? Par qui et pour qui? Parce que si vous ne prenez pas les transports en commun, ça veut dire que vous utilisez la voiture qui fait quoi? Qui pollue. Bien sûr. Qui pollue la planète. Planète qui un jour va exploser alors qu'on sera en train de débattre s'il faut oui ou non recycler. Ta femme est une tueuse. Oh non, c'est pas vrai. Ainsi s'achève le centre d'accueil des sœurs. Ouais. Je n'ai plus de mots là. Sylvain, merci beaucoup de nous avoir appelés. De rien, bonne journée. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré.

Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, belle journée, on est vendredi, ça va être bien la journée tranquille avant le week-end, avant les vacances pour pas mal d'entre vous. On va écouter Offenbach d'ici là pour attaquer la journée. Offenbach dans la playlist Énergie, derrière retour en direct de Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est ce qui s'est passé hier matin dans l'émission. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 tous les matins sur Énergie. Ouais. Je vais vous parler d'une étude qui a été faite autour de la rentrée. À la question, quelle est la chose que vous aimeriez avoir au travail mais qui n'existe pas? Ouais. Genre, dans l'idée, c'est tiens, si au moins à la rentrée, là, en janvier, on redémarrait avec quelque chose de nouveau au travail. La réponse donnée par 14% des gens, c'est une salle de jeu. Ils pensent que cela les rendrait plus zen et plus créatifs ensuite au travail. Ouais. Pas sûr. Ouais. Mais en tout cas, les gens veulent des salles de jeu. C'est-à-dire qu'on serait pas au top de la productivité, quoi. Non. Mais, je pense que les pauses seraient très très longues. On t'attend depuis une demi-heure en rendez-vous. Ah oui, mais là, je fais du mécano, là. Imaginez maintenant, vous pouvez avoir quelque chose au travail qui n'existe pas. Ah ouais, trop bien. Un truc qui n'existe pas, il dit ah, si on avait ça au travail, ce serait bien. Voilà, vous êtes peut-être en train d'arriver au travail là en ce moment, dans les bouchons. Réfléchissez, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire oh, je suis content d'aller au boulot parce qu'en plus maintenant il y a ça. Okay. 0 870 42 48. On vous prend au téléphone avant ça si vous avez des idées. Allez-y, Landu. Ah, moi, une fromagerie direct. Ah, franchement, non, tu mets un petit bout de fromage, je suis 10 fois plus productif. Okay, quoi. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ah, non, on va pas installer une fromagerie dans une entreprise. Ce serait génial. Quoi. Mais non! J'adore. Si, une petite forme d'ambert, un petit camembert avec un petit pain frais, là après je travaille 10 fois mieux. Ouais, avec une petite fromagère aussi, bien sûr. Ah! Bon, bah. Oui, c'est ça. Mais Glandu, on n'est pas dans un supermarché. Mais tu me dis qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Je te dis ce que j'aimerais avoir. Je réponds à ta question. Alors, je regrette de t'avoir posé la question. Ok. Isabelle. Moi, j'adorerais un petit espace canin où je pourrais laisser mon petit chien, comme ça il jouerait toute la journée en m'attendant. Et tu vois, il serait pas triste en train de m'attendre à la maison. Ça, c'est pas con. Et puis pendant que tu me parles, hop, j'irai lui. Enfin, pas pendant que tu me parles, mais pendant qu'on. À un moment donné, je veux dire, j'irai lui faire des petits câlins, tu vois, pendant la journée. Ah oui, ouais. c'est quoi. Après, pendant l'émission, c'est. Elle est où, Isa? Elle fait des câlins, son chien. Et Glandu, il est au fromager. Lilian, bonjour. Salut Manu, salut à tous. Bienvenue sur Énergie, Lilian. Imagine, tu arrives au boulot aujourd'hui et il y a un nouveau truc. C'est toi qui l'as choisi. Ce serait quoi? Alors, moi, clairement, ce serait un buzzer anti-collègue relou. Comme ça, dès que j'ai un relou dans mon bureau, clac, j'appuie sur le buzzer et direct il retourne dans son bureau. Ah, c'est-à-dire que. Mais. Et le mec il sait que là il est relou et qu'il doit partir. Ouais. Exactement, ouais. Oh la vache! Wow. Ouais! Glandure! Ouais. Ouais. Ah, je peux pas bouger! Ouais, non, va chez le fromager! Alors le problème c'est que c'est rigolo, mais c'est vexant quand c'est toi. Hein. Bah ouais. Ah ouais. Et oui, et puis quand t'as buzzé un collègue, à mon avis, le collègue il te dit toi, je vais pas te louper la prochaine fois. Donc du coup, ta journée au boulot, c'est que des. Et personne n'avance. Merci de nous avoir appelé, Lilian. Nico? Un vrai truc qui manque au boulot pour moi, c'est un toboggan. À la place des escaliers, c'est pour les descendre. Oui. Là, t'es le roi et là, t'as envie de bosser au 36e étage. Mais ça, c'est un truc dont j'ai toujours rêvé. C'est les toboggans dans les centres aquatiques. Imagine, t'as ça au boulot. Et ouais, alors on s'amuse comme des oufs. Ce serait tellement génial. Ouais. Vous gardez les escaliers quand même pour remonter. On verra. Si c'est un escalateur, c'est cool aussi. Le feignant. Non, le toboggan, ça changerait tellement la vie. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, mais toi, t'es un gamin. T'attendrais pas que le bouton il soit vert pour y aller et tu me rentrerais dedans dans le toboggan. C'est ça qui me fait trop peur avec T'es lente, hein. Manon, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie. Tu arrives au boulot, il y a un truc nouveau qui va changer ta journée, ce serait quoi? Alors moi, ce serait un distributeur de papier bulle, le top pour déstresser. Oh. Ah, ça c'est malin. Oh, ouais. Ah ouais. Après, faut pas que dans le même bureau, il y ait le buzz là pour les collègues relous, parce que ça fait... compliqué. Merci de nous avoir appelé, Manon. Paulette, quelque chose, la salle de sieste, bon ça on le sait, hein, qu'est-ce que ça voudrait. Le lit, quelque chose, même à Énergie par exemple, qui te changerait la vie. Un dressing. Un dressing où je peux ramener donc toutes mes fringues de chez moi qui rentrent plus dans le mien. Et en plus de ça, par exemple, imagine le matin, j'arrive, j'ai fait une faute, je suis mal habillée, je peux aller me changer dans mon dressing. Pourtant, je ne l'ai pas dit ce matin. Je suis content que tu t'en sois rendu compte de tout ça. Donc en fait,

Bienvenue sur Énergie, il est 5h55. Oui, oui, oui. Bah, je suis content. Bah oui, ouais, nous aussi. Il est 5h55, voilà, il y a eu la journée qui s'est passée hier, il y a eu la soirée, il y a eu la nuit, et bah, je suis content d'être de retour. Oui, oui, oui. Alors, vous avez jamais vu un homme content, j'ai l'impression. Et si tous les hommes contents se mettent à hurler comme ça, c'est un peu flippant. Parce que tu ne sais pas rendre un homme content, écoute. Oui, oui, oui. Oui, je suis content d'être là. C'est vendredi, il y a le week-end qui arrive, il y a les vacances de Noël, c'est Noël. Ah, j'ai comme une mauvaise Noël pour Noël, je vous l'annonce dès maintenant ou j'attends un peu? Vas-y. Non, vas-y. La météo annonce qu'il n'y aura pas de neige à Noël en dehors de la montagne très haut. Ah ouais? Oui, je viens de le voir là, ils disent qu'il n'y aura pas de neige à Noël. Oh, c'est pas bien ça. Bah non, mais on n'est jamais content parce qu'on aurait dit il va faire moins 20 à Noël, on aurait fait oh. Là, on dit les températures seront douces, on fait oh. Ouais. Oh putain, sans déconner, posons un peu les gilets jaunes, détendons-nous un peu, merde. C'est pas grave, c'est comme ça. Allez. Après la magie de Noël, on n'est pas à l'abri de gros nuages qui arrivent pour nous mettre de la neige, quoi, le jour de Noël. Ah, ça, c'est la magie de Noël, bien sûr. Je suis un grand enfant, je me dis que ça peut le faire. Eh ben, très bien, reste avec ta magie de Noël avec tes magies de nuages. Allez. Vas-y, t'es content? Ouais. Eh ben, dis-le. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Allez, on dit que cette première minute d'émission, on la met de côté. Et on démarre même maintenant. Manu dans le 6-9, c'est nous, au cas où vous le sauriez pas. Mais on démarre dans 4 minutes. Et avant ça, c'est le club du 5-5-5. 5 jours à 5h55. On se fait un plaisir, on s'écoute un titre pour lancer la journée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un acteur. Kiefer Sutherland. Vous savez qui est Kiefer Sutherland? Oui, qui joue dans 24. Exactement, le héros de 24 heures chrono. Ouais. Ah, ouais. Il a 52 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc je me suis dit, dans le club du 555, on se fait un petit plaisir, on va s'écouter le générique de 24 Mais heures chrono. Mais non, tu déconnes. Ah, ouais. Bah, pas du tout. Allez, c'est parti. Ah, oh, c'était bien. C'est fini. Ah ouais, c'est génial. C'est court. Ah bah il est court le générique de 24 heures chrono. Ah, okay. Ouais, ouais. Du coup on est obligé, et c'est peut-être une première, de mettre deux clubs du 5-5-5 aujourd'hui. Ah, oui. Et là je me suis comme tirer de Chili Peppers. Ah ouais. Parce que j'avais envie. Ce serait pas mal aussi. C'est By The Way sur Énergie. Il est 5h57. Soyez les bienvenus. Waiting for Danny the girl.